Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Vous retrouvez aujourd'hui l'émission de Sciences Publiques réalisée une fois par mois en collaboration avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Sciences Publiques, donc au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Allons-nous tous devenir myopes ? Il y a quelques mois, nous nous demandions dans Sciences Publiques si tous les jeunes allaient devenir sourds. Aujourd'hui, ce sont les yeux qui nous préoccupent. Et d'après une méta-analyse européenne que s'est procurée Science et Vie, c'est bien à une véritable épidémie que l'on assiste. Le terme ne semble pas trop fort au vu des chiffres. En Europe, la myopie touche 227,2 millions de personnes, soit 30,6% de la population. Pour les 25-29 ans, cette proportion atteint 47%. Ces deux moyennes européennes se vérifient en France. À l'étranger, c'est parfois pire, comme en Chine, où 80 à 90% de la jeune génération peine à voir de loin. Aux États-Unis, la proportion de myopes dans la population est passée de 25% en 1930 à plus de 40% aujourd'hui. À Singapour, 82% des jeunes sont myopes contre moins de 20% dans les années 1950. On peut donc parler d'une épidémie mondiale de myopie. Certes, il ne s'agit pas d'une maladie mortelle, mais d'un handicap certain. La myopie est produite par un allongement de l'œil qui provoque une formation des images de loin en avant de la rétine. Mais pourquoi nos yeux se mettent-ils ainsi à rallonger ? Il semblerait qu'un manque d'exposition à de fortes intensités lumineuses soit en cause. Or, ces fortes lumières sont produites par le soleil. Notre myopie galopante serait ainsi provoquée par une vie cloîtrée, les yeux rivés sur du papier, des écrans d'ordinateur ou des téléphones mobiles. Loin de la lumière naturelle, moins de lumière naturelle signifie moins d'activation des photorécepteurs de nos yeux. Moins stimulés, ces photorécepteurs stimulent moins la production de dopamine et moins de dopamine semble conduire, même si les chercheurs ne savent pas encore exactement pourquoi, à un allongement de l'œil. Faut-il attribuer l'épidémie de myopie actuelle à un mode de vie trop sédentaire ? Les chercheurs envisagent-ils d'autres causes à ce phénomène ? Combien de temps faut-il passer à l'extérieur pour éviter que nos yeux ne s'allongent ? Quelles sont les thérapies actuelles de la myopie et faut-il compter sur elles ou bien se résigner au port de lunettes ? Quels sont les progrès en matière, en particulier des interventions au laser ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui en direct depuis la Maison de la Radio Yves Bocobza, chirurgien ophtalmologiste à Paris, Cécile Delcourt, épidémiologiste à l'INSERM, Damien Gatinel, chef de service à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, opérateur à l'Institut Laser Vision Noémie de Rothschild des Buttes-Chaumont. Et nous sommes également avec Muriel Valin, journaliste au magazine Science et Vie, co-auteur avec Coralie Hancock de l'enquête intitulée « Tous myopes » qui est publiée dans le numéro de juin de Science et Vie. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Muriel Valin, bonjour. Bonjour. Donc votre enquête s'appuie sur cette méta-analyse européenne, c'est-à-dire une synthèse de publications scientifiques qui concerne la myopie. Qui concerne 12 pays en Europe. 12 pays. Et la myopie notamment, donc qui était étudiée de près, et c'était quelque chose d'assez attendu puisqu'on avait des chiffres qui étaient déjà connus sur l'Asie, les États-Unis c'était assez bien quantifié, mais en Europe on n'arrivait pas à avoir de chiffres, notamment en France parce qu'il n'y avait pas de relevé qui était fait de manière officielle, donc ces chiffres étaient très attendus. Alors ces chiffres attendus et finalement assez inquiétants. Inquiétant. Alors, pour le grand public, ça, c'est vrai que c'est une surprise quand on entend que effectivement un tiers de la population est myope en Europe, ça surprend. Quand on discute avec les chercheurs ce qu'on a fait donc pour faire l'enquête à Science et Vie, on s'est rendu compte que ces chiffres sont venus plutôt conforter ou confirmer quelque chose qu'ils sentaient et qu'ils ne pouvaient pas évaluer précisément, mais eux n'ont pas été forcément très surpris. Alors justement, Cécile Delcourt, bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis Bordeaux, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous avez fait partie de cette étude, vous avez été, la correspondante en France de cette méta-analyse. Voilà. Donc en fait, nous avons depuis quelques années constitué un consortium qui essaye de regrouper toutes les données européennes sur les maladies oculaires pour pouvoir effectivement déterminer si les maladies augmentent ou diminuent dans nos populations. Est-ce qu'il y a des variations géographiques en Europe aussi, par exemple ? et quels sont les facteurs à l'origine de ces variations. Vous pouvez peut-être préciser ce qu'est une méta-analyse, c'est la synthèse de beaucoup de recherches un peu éparses. Et bien, donc là, en fait, dans ce cas précis, on est reparti de 15 études effectuées dans des populations européennes et effectivement, on a regroupé toutes ces données pour en sortir des chiffres globaux. Alors, depuis la publication pourtant très récente de des résultats de cette étude dans Sciences et Vie, il semble que vous ayez également publié un autre article qui va plus loin ou qui précise certaines choses dans une revue scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire l'essentiel, Cécile Delcourt? Oui, alors, ce qui est un petit peu compliqué, alors, ce qui concerne la myopie et son augmentation dans la population, c'est qu'il y a à la fois un effet de l'âge lui-même, c'est-à-dire que le moment dans notre vie où on est le plus myope, c'est lorsqu'on est jeune adulte. C'est là que la fréquence est la plus importante, quelle que soit la génération. Et puis, donc, il y a les nouvelles générations qui ont tendance à être plus myopes que les générations précédentes. Et donc, dans ce deuxième article, c'est ce qu'on a essayé de préciser. Quel est l'effet simplement de l'âge, le fait que les jeunes adultes soient plus myopes, et quel est l'effet de l'augmentation dans les nouvelles générations. Et donc, on a bien pu confirmer de manière précise qu'il y a eu une augmentation de la myopie dans les nouvelles générations européennes. Voilà, donc c'est ce mouvement un peu mondial hein, qu'on constate dans sur d'autres continents, une augmentation de la myopie chez les jeunes. On va revenir sur les causes de tout ça. Damien Gatinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien de l'ophtalmologie. Avant de vous intéresser aux causes possibles de l'épidémie, est-ce que vous pouvez, vous, valider son existence à travers votre expérience professionnelle? Tout à fait. Je crois que la myopie est au cœur de ma profession, puisque quand on est praticien et qu'on effectue une chirurgie réfractive qui est une chirurgie destinée à corriger les défauts optiques de l'œil, la majorité des patients sont des myopes, de jeunes adultes myopes, puisqu'on n'opère pas les enfants, on opère à partir de l'âge de 18 ans. Et effectivement, les modes de vie actuels et changements peut-être de style de vie conduisent de plus en plus de patients à vouloir être de plus en plus indépendants au port de lunettes et au port de lentilles de contact. Mais vous constatez une augmentation, je sais pas, alors c'est difficile puisque vous ne recevez que ceux qui ont un problème. Exactement. Vous n'avez pas de vision statistique, forcément. Non. Mais en tout cas, on n'observe pas une diminution de la fréquence des consultants myopes dans notre pratique. On va revenir sur cette question. Yves Bob-Cobza, bonjour. Bonjour. Donc vous-même, vous êtes praticien également. Et quelle est votre perception vis-à-vis de la myopie en particulier donc, aujourd'hui? Écoutez, on a vraiment le sentiment que le nombre de myopes augmente lentement mais sûrement. Et à titre personnel, je vois de plus en plus de patients myopes souhaitant se faire opérer. Donc nous, comme vous l'a dit Damien, c'est un regard un peu faussé, puisque nous voyons que des myopes qui veulent se faire opérer, mais nous n'avons aucun aperçu des myopes qui ne viennent pas nous voir. Ce qui est certain, c'est que nous assistons à un essor assez considérable de cette chirurgie réfractive, donc, et partout dans le monde, en France, en Europe, l'activité opératoire en matière de chirurgie réfractive augmente indiscutablement. Il y a encore des freins psychologiques, économiques à la réalisation de ces interventions, mais je pense que on va vers l'augmentation. Est-ce qu'il y a une évolution dans l'âge de la population de vos patients? Alors, si vous voulez, à titre personnel, j'évite d'opérer des sujets trop jeunes. Je pense que la myopie, si vous voulez, comme l'étude le montre, se stabilise autour de 21 ans, 22 ans. Donc, un des critères, si vous voulez, de faisabilité, d'opérabilité, c'est la stabilité totale de la myopie. Et c'est pour ça qu'on opère rarement avant 20 ans, si vous voulez. Et donc, en fait, oui, effectivement, on opère de plus en plus de myopes. Jeunes. Jeunes. Alors, la question est justement, pourquoi devient-on myope? Pourquoi est-on myope jeune et peut-être moins après? Et pourquoi... Alors, comment ça se passe, en fait, dans l'œil? Alors, je vais vous dire, vous avez parlé de l'environnement, donc la lumière. Il y a une autre théorie qui dit que l'utilisation très précoce dans la vie, avant l'âge de 6 ans, l'apprentissage de la lecture en Asie, si vous voulez, stimulerait un facteur de croissance de la rétine qui aboutirait à l'allongement du globe. Donc c'est pour ça qu'en Asie, c'est une théorie, de même que la lumière... Qu'est-ce que vous voulez dire en Asie, c'est-à-dire la lecture C'est-à-dire qu'en Asie, on apprend à lire très tôt. On apprend à lire les idéogrammes beaucoup plus jeunes qu'en Europe, si vous voulez. Et ça a été une théorie, de même que l'exposition à la lumière, vous l'avez dit, favorise la sécrétion de dopamine qui s'oppose à la croissance du globe oculaire. Donc c'est multifactoriel. Mais il y a un autre facteur qui est important, c'est l'hérédité. Parce que, si vous voulez, quand vous avez un parent myope, vous avez deux fois plus de probabilité d'être myope. Si les deux le sont, vous avez trois fois plus de risque de devenir myope. Donc c'est multifactoriel, en fait. Damien Gatinel. Oui, l'hérédité est certes un facteur important, mais alors c'est peut-être aussi une variable de confusion, parce que les enfants de parents myopes reproduisent un certain comportement, et les myopes sont souvent, vous savez, un peu caricaturés comme des intellectuels ou des gens qui passent beaucoup de temps dans les livres, mais il est malgré tout observé que ce trait est associé à la myopie. N'est pas forcément une cause, mais il y a une corrélation. Et moi, ce qui me surprend aussi dans l'hérédité, c'est que si la myopie était vraiment héréditaire, comment expliquer à ce moment-là cette augmentation très récente, si la cause était vraiment génétique? Donc ces choses-là sont compliquées. Et comme le souligne Yves, en Asie, la proportion de la myopie, la prévalence est forte chez les enfants, parce qu'il y a une pression importante éducative. Et il y a eu des études qui ont comparé des populations asiatiques vivant, par exemple, à Singapour, à d'autres issus du même de la même génétique mais vivant en Australie et passant plus de temps à l'extérieur, et les asiatiques vivant en Australie avaient moins de myopie et moins jeunes que ceux qui étaient en Asie. Alors justement, Muriel Valin, je vous donne la parole tout de suite, Cécile Delcourt. Muriel Valin, il y a le record du monde que vous citez. Alors, dans Sciences et Vie, on parle du record du monde qui est en Corée du Sud, donc dans une zone urbaine, et on arrive à 96,4% de la population des 19 ans, donc qui est myope. C'est énorme, bon, c'est le pourcentage qui a été évalué, qui est un peu le record, effectivement. Mais pour poursuivre un peu ce que disait Damien... Et c'est le pays où il y a le plus de chirurgie réfractive par tête d'habitant. Ouais. Pour poursuivre ce que disait Damien Gatinel, effectivement, il y a eu le profil génétique qui a été longtemps cité. On a dit souvent, pendant longtemps, effectivement, qu'il y avait peut-être une prédisposition particulière en Asie. Mais cette étude qui a été faite, justement, comparant des enfants qui allaient plus ou moins dehors entre des enfants de Singapour et des enfants australiens, est vraiment éloquente, puisqu'on se retrouve avec des enfants en Australie on a un taux de myopie de 3,3%, alors qu'à Singapour, on est à 29,1% pour des profils génétiques identiques. Ça montre bien, et l'écart, c'est dans un cas, il y a une population à Singapour qui passe 30 minutes dehors par jour, et dans l'autre cas, c'est 2 heures par jour. Donc là, on voit bien que le profil génétique ne peut pas uniquement expliquer ce qui se passe en ce moment. Cécile Delcourt, que nous dit l'épidémiologie sur cette cause, ces différentes causes qui sont finalement la génétique ou bien le mode de vie? Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Hein. Donc, d'un côté, l'hérédité, je crois que maintenant, elle n'est plus tellement discutable. Il y a eu des grands articles sur le sujet qui ont permis d'identifier un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans la myopie. Donc ce n'est pas ma spécialité, je ne serais pas capable de vous les détailler, mais il y a quand même un certain nombre de gènes bien identifiés maintenant. Et bien sûr, il y a aussi ces facteurs environnementaux. Donc parmi eux, effectivement, le mieux connu, en fait, c'est le niveau d'éducation. Mais on se doute bien que ce n'est pas le niveau d'éducation en lui-même qui est en cause, mais probablement la façon dont ça modifie le mode de vie. Et ce qui a été longtemps mis en cause, c'était effectivement plutôt le fait de passer beaucoup de temps à lire et à regarder de près. Et on se rend compte maintenant que c'est aussi peut-être le temps passé à l'extérieur, l'un étant évidemment les deux étant liés négativement, c'est-à-dire que plus on passe de temps à lire, moins on passe de temps à l'extérieur. C'est un peu difficile à démêler. Et on ne sait pas, on ne comprend pas encore très très bien tous les mécanismes qui sont derrière. Je pense que le cas de l'Australie est quand même très intéressant, puisqu'on voit que c'est plutôt une épidémie mondiale. Bon, il y a quand même l'Asie, le phénomène est de beaucoup plus grande ampleur, par exemple, qu'en Europe ou aux États-Unis. Nous, on note, par exemple, dans cette deuxième étude qu'on a publiée là très récemment, une augmentation d'environ 25% de la myopie au cours des dernières décennies. Donc on n'est pas dans un doublement ou un triplement comme on peut le voir en Asie. Et alors, de manière très surprenante, l'Australie pourrait échapper à cette épidémie. Il y a 15 jours, au congrès américain d'ophtalmologie, l'ARVO, une équipe australienne montrait que sur les données épidémiologiques australiennes, on n'observe pas d'augmentation de la myopie dans cette population. Peut-être justement parce que les Australiens passent particulièrement beaucoup de temps à l'extérieur, notamment dans leur jeune âge. Donc c'était l'hypothèse qu'ils mettaient en avant. Damien Gatinel. Oui, et je crois qu'il y a aussi, Cécile le confirmera, un cas assez particulier d'une population insulaire, je crois que c'est aux îles Vanuatu, où la myopie n'est pratiquement pas observée, ou alors à des pourcentages ridiculement faibles. Et il serait intéressant aussi de comprendre pourquoi, chez ces populations, peut-être préservées d'un mode de vie tel qu'il sévit en Asie ou chez nous, ne développent pas cet allongement de l'œil. Alors sur cet allongement de l'œil, est-ce que là aussi les choses sont bien établies ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce manque d'exposition à des lumières naturelles, des lumières fortes, du soleil, de l'extérieur donc ? Est-ce que c'est vraiment la cause de cet allongement de l'œil, ou bien est-ce qu'il y en a d'autres ? Damien Gatinel. Alors, pour l'allongement de l'œil, les facteurs donc incriminés comme le manque de lumière ou une sollicitation excessive ou une mauvaise réponse accommodative. L'accommodation, c'est l'effort que font les enfants et aussi les adultes pour lire, pour mettre au point et voir net des livres, des écrans. Donc tous ces facteurs sont incriminés et il est possible qu'effectivement, avec un terrain génétique particulier, l'environnement fasse s'exprimer ces gènes. Ensuite, pour la myopie, il y a quelques causes plus rares de myopie que l'allongement de l'œil, mais c'est des causes acquises. Certaines formes de cataracte, par exemple, ou certaines maladies de la cornée, comme le kératocone, peuvent donner des myopies qui sont différentes de la myopie axile. La myopie axile étant caractérisée par un allongement excessif du globe oculaire. Ibo Kobza, vous vouliez intervenir ? Non, je pense que l'allongement du globe oculaire, donc, qui explique la myopie, est lié à un facteur de croissance qu'on n'a pas identifié. C'est évident que... Pourquoi tel enfant va avoir un œil qui va garder une taille normale et tel autre va avoir sa longueur augmentée? Donc il y a un facteur de croissance stimulé par différents facteurs que nous avons évoqués qui explique cette croissance de l'œil et donc la myopie. Alors Marie Dalquier me donne une question dans le casque et qui est de savoir si finalement les lunettes de soleil peuvent être des facteurs favorisant la myopie. On se protège de la lumière, on reçoit moins de lumière dans l'œil. Est-ce que ça peut avoir cet effet-là, Damien Gatinel ? Si on les porte dès l'enfance et qu'on les garde constamment sur l'œil, je pense que oui, mais un usage classique d'une protection solaire, non, au contraire, c'est très recommandé parce que on n'est pas sensible vraiment à ça, mais les différences entre la lumière qu'il y a dans une pièce comme ce studio et dehors, c'est exponentiel. Donc quand on met des lunettes de soleil, en fait, on a malgré tout une quantité de lumière qui rentre dans l'œil quand on est à l'extérieur qui est conséquente. Donc je ne pense pas que ce soit du tout quelque chose à proscrire. Pas de problème avec les lunettes si on est raisonnable. Voilà. Juste un mot, Cécile Delcourt, sur cette corrélation entre le mode de vie et la myopie. Est-ce qu'elle est complètement établie ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont encore en débat ou encore incertaines ? Ou bien est-ce que vous en êtes vraiment sûr ? Alors, c'est assez bien établi au niveau des études épidémiologiques. Et au point que les chercheurs ont commencé à faire des études d'intervention, donc là où on va essayer de modifier le mode de vie des enfants pour voir si on peut freiner l'évolution de la myopie. Donc notamment, il y a eu des études comme ça qui ont été menées en Chine, où ils ont fait des heures pendant la journée d'école qui se déroulent à l'extérieur. Et donc en augmentant ainsi mécaniquement le nombre de temps passé à l'extérieur par les enfants chinois. Et effectivement, ça permet de freiner un peu la myopie. Donc on voit qu'on est dans la démonstration d'une relation de cause à effet. Maintenant, l'intervention qui avait été mise en place ne permettait pas vraiment de freiner dans des proportions suffisantes cette tendance à devenir myope des enfants chinois. Mais c'est vrai que ce que j'en comprends de plus en plus, c'est que le mode de vie des enfants chinois est quand même très très différent du mode de vie des enfants européens, notamment en raison de cette pression scolaire très précoce, donc avant 6 ans. Donc, et puis même pendant l'âge de l'école maternelle et l'école primaire, où ils ont des classes supplémentaires après la fin de l'école, etc. Donc effectivement, je pense que les enfants chinois quand même passent très très peu de temps dehors par rapport à nos enfants européens. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui de la question « La myopie nous menace-t-elle tous ?» avec nos invités qui sont aujourd'hui, je vais retrouver ma liste, Yves Bocobza qui est chirurgien ophtalmologiste à Paris, Cécile Delcourt, épidémiologiste à l'INSERM, Damien Gatinel, chef de service à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Nous sommes également avec Muriel Valin qui est co-auteur de l'enquête réalisée par Science et Vie est publié ce mois-ci. Alors, ce que nous dit à l'instant Cécile Delcourt, c'est qu'il faudrait instaurer des classes en plein air. Ça a été une époque, peut-être, un autre mode d'éducation. Et peut-être aussi revoir le temps passé devant du papier. Alors, ce qui est amusant par rapport à toutes les critiques qu'on a pu faire sur l'écran, c'est que là, c'est pas en fait vraiment le support qui est en jeu. Yves Bocobza, c'est vraiment le fait d'être à l'intérieur. C'est à l'intérieur et être devant un écran, un smartphone, quel que soit et utiliser sa vision de près, lire, apprendre à lire, écrire. Donc, c'est l'utilisation rapprochée à l'intérieur. Très jeune, qui expliquerait la myopie dans cette population. Muriel Valin. Oui, il y a un point dont on n'a pas parlé qui me semble assez intéressant quand même, qui est ressorti dans notre enquête, c'est le fait qu'on parle de la myopie qui est un phénomène d'épidémie, ce qui pose problème parce que la myopie, on pourrait se dire, on porte des lunettes, des lentilles, on se fait opérer. Il y a un point qui est important, c'est qu'en fait, il y a aussi une augmentation de la forte myopie. C'est-à-dire que le pourcentage de la population qui est très myope est en train aussi de grossir. Et là, il y a des problèmes qui se posent derrière, c'est un peu le nerf de la guerre, je pense, actuellement. C'est de se dire que si on continue à laisser cette population de forte myope se développer, c'est une population qui va être exposée à des problèmes visuels qui peuvent être potentiellement assez graves au fil du temps, qui peuvent même conduire jusqu'à la cécité. Et je pense que aujourd'hui, c'est un peu ça le au-delà du fait d'essayer de comprendre ce qui se passe avec la myopie, sa survenue, c'est aussi quand on constate que la myopie arrive, essayer de trouver une solution pour freiner sa progression. Voilà, c'était un peu. Voilà, on va voir un peu quelles sont les solutions. Cécile Delcourt, vous constatez cette augmentation de la forte myopie aussi dans les études épidémiologiques? Oui, visiblement, donc ça progresse proportionnellement à la myopie, c'est-à-dire qu'en fait toutes les classes de myopie augmentent un peu en parallèle les unes avec les autres. Donc à chaque augmentation de la myopie dans la population, on a parallèlement une progression de la myopie forte, qui effectivement pose des problèmes ophtalmologiques beaucoup plus sévères, puisque bon, je pense que mes collègues ophtalmologistes pourront détailler ça mieux que moi-même, mais c'est vrai que ça peut entraîner un certain nombre de pathologies oculaires qui sont beaucoup plus sévères. Alors, avec ce constat sur le développement de cette épidémie, on est forcément conduit à s'interroger sur les solutions. Damien Gatinel, aujourd'hui, quelles sont les techniques, les thérapies qui fonctionnent pour soigner cette myopie? Alors, je crois qu'il faut distinguer deux aspects. Il y a l'aspect comment puis-je éventuellement ralentir l'évolution d'une myopie chez un enfant et comment ensuite, chez un adulte, chez qui elle est stable, l'opérer. Si votre question concerne la deuxième partie, la chirurgie aujourd'hui est une réponse aux myopes qui veulent s'affranchir d'une correction optique, en lunettes ou en lentilles. Elle est très majoritairement effectuée au laser, avec différents lasers, mais elle s'effectue avec ces lasers dans le plan de la cornée, qui est la tunique transparente que la lumière rencontre en premier. Hein. C'est sur la cornée qu'on pose une lentille de contact, par exemple. Donc c'est le remodelage cornéen qui est la technique la plus fréquemment utilisée. Et puis il y a d'autres moyens de corriger une myopie de manière chirurgicale en utilisant par exemple une chirurgie de la cataracte ou du cristallin pour remplacer le cristallin par un implant dont la puissance est calculée elle-même pour corriger la myopie du patient. Donc, j'ai commencé par les techniques chirurgicales, mais avant tout, bien sûr, les techniques donc, on peut dire de prothèse, hein, donc les lunettes, qui sont chez l'enfant le premier moyen de correction. Chez l'enfant et l'adolescent, les lentilles de contact peuvent être, dans certaines indications, une bonne alternative, en tout cas sur le plan esthétique et fonctionnel, pour la pratique de certains sports ou activités aux lunettes. Et puis alors on entend parler parfois de techniques un peu plus controversées, donc, le yoga des yeux, des choses comme ça. Yoga donc, des yeux, voilà, oui, c'est ça, on entend cela. Alors des applications sur iPhone. Des applications sur iPhone pour effectivement essayer. Alors c'est pas forcément toujours son œil, idiot puisque on parle beaucoup de l'œil, mais il faut pas oublier que le siège de la vision c'est le cerveau. Hein, certaines aires visuelles spécialisées dans le traitement de la vision et on peut effectivement postuler que pour en tout cas des petites myopies, un travail d'entraînement cérébral pourrait permettre à certains patients de mieux vivre leur myopie ou de moins la ressentir finalement. Yves Bokobza, sur ces techniques, quelle est celle qui vous paraît aujourd'hui la plus mûre et la plus efficace? Alors, il y a un consensus mondial sur une technique qui s'appelle le LASIK 100% laser, c'est-à-dire que très simplement, un premier laser femtoseconde va découper une fine lamelle dans l'épaisseur de la cornée que le chirurgien va soulever, permettant l'action d'un second laser, le laser excimer, qui va corriger très précisément la myopie à corriger, souvent associée à un astigmatisme. Cette technique permet en fait de corriger tous les défauts visuels, la myopie, l'astigmatie, l'hypermétropie, la presbytie aussi. Donc c'est la technique la plus utilisée partout dans le monde, car elle associe une très grande sécurité, donc c'est l'action successive de deux lasers, donc précision, sécurité, et elle assure au patient une récupération visuelle extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'il peut reprendre pratiquement ses activités dès le lendemain. Donc c'est vraiment la technique de référence. Alors, Muriel Valin, dans votre enquête, vous notez quand même quelques effets secondaires indésirables à la chirurgie au laser. Oui, alors il y a régulièrement, cette chirurgie est évaluée et, avec toutes les difficultés que ça comporte, puisque c'est une chirurgie qui n'est pas non plus si ancienne que ça. On commence à avoir du recul. Premier LASIK en 1991. Oui, alors après c'est relatif, mais disons que on commence à voir des 30 millions oui. On estime à 30 millions le nombre de procédures depuis 20 ans à peu près. Voilà. Donc il y a eu une étude américaine qui a essayé d'évaluer un peu un retour d'expérience, d'essayer de voir les gênes que ça pouvait occasionner, et il reste des effets qui sont remontés, des effets secondaires de type éblouissement, sécheresse oculaire, qui peuvent poser problème encore sur certains types d'interventions. Donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai eu l'occasion d'interviewer Damien Gatinel pour voir un petit peu où on en était dans les différents types d'opérations, d'interventions, différentes techniques qui sont utilisées. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a 5 ou 6 ans pour Sciences et Vie déjà. Et on voit que c'est un domaine où il se passe énormément de choses et où il y a des progrès sans cesse pour essayer justement d'avoir une technique qui est moins agressive sur l'œil, qui est de plus en plus fine et donc a priori avec moins d'effets secondaires. Damien Gatinel, alors faites-nous partager ces progrès spectaculaires. Comme l'a rappelé Yves, le LASIK, donc, qui est la technique phare reine en chirurgie réfractive, a bénéficié donc initialement d'un premier laser qui était le laser excimer et secondairement depuis maintenant une dizaine d'années du laser femtoseconde qui sont rentrés dans des types de lasers différents, voilà, disons qui délivrent des impulsions différentes. Et c'est pas les mêmes longueurs d'onde, c'est pas les mêmes effets. Disons que le laser femtoseconde sert à découper avec une précision vraiment importante, chirurgicale, exactement. Un tissu fragile, hein, la cornée, qui est transparent et qui doit le rester. Et le laser excimer, lui, sculpte, ponce, avec une précision qui est presque celle de la dimension d'une longueur d'onde lumineuse dans la matière, puisqu'il a une précision du quart de millième de millimètre, c'est-à-dire d'un quart de micron. Donc c'est, encore une fois, je crois que c'est la chirurgie la plus précise de toutes les chirurgies auxquelles on peut penser. Et donc, dans la technique LASIK qui a été mise au point, donc maintenant il y a une vingtaine d'années, il y a eu des progrès liés aussi à des progrès diagnostiques, puisque tout le monde n'est pas opérable. Et les bons candidats faisant les bons résultats en chirurgie réfractive, on a pu plus finement analyser les profils de patients qui étaient les bons candidats, éliminer ou orienter vers d'autres techniques ceux qui l'étaient moins. Il y a d'autres techniques comme la PKR, la photocaractectomie à visée réfractive par exemple, où on ne fait pas de capot, on fait un remodelage en surface qui marche bien pour les myopies faibles et moyennes. Et donc, on a beaucoup bénéficié des progrès de l'optique, instrumentale, de l'informatique. On a des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent, à partir d'une simple analyse de cornée, de déterminer si oui ou non cette cornée peut être opérée, par exemple. Et on a aussi des moyens de mesurer très finement les propriétés optiques de l'œil avec des techniques qui sont issues de l'astronomie. Les aberromètres, donc, mesurent les aberrations optiques avec une précision qui permet de non seulement mesurer la myopie d'un patient, par exemple, mais aussi de prédire si, en corrigeant sa myopie, il aura une vision plus fine qu'un autre, notamment dans des situations de vision nocturne, quand il n'y a pas beaucoup de lumière et que la pupille de l'œil se dilate. Et enfin, il y a plus récemment des techniques qui ont été proposées en plus du LASIK. Une s'appelle le SMILE. C'est un groupe de techniques regroupées dans un acronyme qu'on appelle le RELEX, où le principe n'est pas très différent du LASIK, c'est toujours une chirurgie cornéenne, mais on n'utilise qu'un seul laser, le femtoseconde, et au lieu de vaporiser un lenticule micron par micron, on l'enlève en bloc dans la cornée, avec comme objectif, qui n'est pas encore formellement démontré, mais c'est un peu encourageant, peut-être chez certains patients formiobles, de moins occasionner de sécheresse de la surface de l'œil. Yves Bocobza, est-ce que ces opérations sont définitives? On se fait opérer une fois et on voit toute sa myope, vie. Chez le myope, si on a la sagesse d'attendre la stabilité donc, de la myopie, c'est pour la vie. À peu près pour la vie, car à partir de 45 ans, ces patients myopes vont devenir presbytes. Mais c'est tout à fait un autre problème. Et presbytes nécessitaient de porter des lunettes de près. Mais la myopie, la correction est définitive si on opère à l'âge de la stabilité. Il y aura des micro-variations avec le vieillissement, mais pas significatives. Alors, quand vous dites, Damien Gatinel, que tout le monde n'est pas opérable, c'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser, parce que, à vous entendre, finalement, le problème de la myopie n'aurait pas existé. Il suffirait de corriger toutes les personnes qui en sont atteintes avec ces techniques. Oui, alors c'est en fait pas du tout le cas, parce que le premier travail du chirurgien, et c'est peut-être là où la chirurgie se joue, c'est l'indication. Trier, expliquer au patient les résultats que peut lui offrir la chirurgie réfractive, et en fonction du degré de myopie, en fonction du profil du patient, on a de plus ou moins bons candidats, et on a également de mauvais candidats, ceux dont les cornées sont trop fines, ou ceux dont les cornées présentent une pathologie débutante, notamment une qui s'appelle le kératocone débutant, qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Donc là, on a... Ces fonctions de caractéristiques de l'œil, mais qui sont génétiques. Oui, puis je voudrais dire aussi qu'il y a des myopes qui sont heureux d'être myopes. Alors, ce ne sont pas de forts myopes, parce que les forts myopes ont une vision qui est très limitée. Hein. Ils voient, par exemple, quand ils ont une myopie de 10 dioptries, pas nette au-delà de 10 cm. Mais les myopes en dioptrie, qui est d'une unité de mesure de la myopie, si vous voulez, qui sont des myopes de 2 à 3, 4 dioptries, notamment, comme l'a souligné Yves, à l'âge de la presbytie, peuvent lire sans lunettes. Et dans le monde animal, il y a des animaux qui sont myopes et qui accommodent pour voir de loin, par exemple, parce que l'œil est un bon exemple de système qui s'adapte avec l'évolution, exactement, et qui essaie d'optimiser face à un environnement donné, un mode de vie donné, sa géométrie et ses fonctions pour permettre à son porteur de pouvoir survivre le plus longtemps possible et effectuer les tâches qu'il a effectuées. Donc, chez les animaux pour qui il est important de bien voir de près de manière très nette, la myopie est presque un avantage sélectif sur ce qu'on appelle l'hémétropie, c'est-à-dire la bonne vision de loin, qui pour nous est la norme, bien entendu. Donc, ces patients-là, des fois, ne veulent pas être opérés. Il est même parfois rencontré des situations où on rend myope un petit peu volontairement, nous, des gens qui ne le sont pas, pour leur permettre de lire, au moins sur un œil. Ça s'appelle la monovision, et c'est une des techniques de correction de la presbytie, par exemple. Cécile Delcourt, est-ce que on peut mesurer déjà l'impact des techniques, des thérapies pour soigner cette myopie sur les statistiques de la myopie? Parce que, à vous entendre, on a l'impression que c'est un phénomène qui est un peu tellement profond et important qu'il est indépendant de l'action des thérapies existantes. Non, donc nous, ce qu'on mesure, c'est la myopie naturelle, disons. Mais bien sûr qu'il existe heureusement plein de moyens d'y pallier, bon, ne serait-ce que l'utilisation de lunettes, effectivement. Et puis de chirurgie réfractive. Donc nous c'était pas l'objectif de notre recherche. L'objectif de notre recherche, c'était d'évaluer quelle est l'évolution de la fréquence de la myopie telle qu'elle survient dans la population, mais pas dans ces recherches-là. En tout cas, nous n'avons pas évalué, disons, l'efficacité des différentes manières d'y faire face. Ça veut dire que vous avez comptabilisé... Allez-y. Ouais. Ce que je voudrais peut-être dire à ce sujet-là, c'est que quand même, je pense que la chirurgie réfractive, certes, elle permet aux myopes de voir de manière très efficace, mais ça ne règle pas complètement les autres problèmes ophtalmologiques tels que le décotement de la rétine ou les dégénérescences rétiniennes qui peuvent survenir chez les forts myopes. Donc c'est pas parce qu'on aura corrigé leur vision que ces personnes-là ne vont pas rester à risque d'autres maladies qui peuvent être assez handicapantes. Voilà. Muriel Valin. Oui, donc, je viens compléter ce que Cécile Delcourt vient de dire. Ce qui est ressorti aussi quand on a interviewé des chercheurs sur ce sujet, c'est que même dans certains cas, ça peut poser des problèmes parce que des personnes qui se sont fait opérer avec le laser peuvent se dire « ça y est, moi je vois bien, je ne me soucie plus de mes yeux » et vont être moins vigilants sur l'évolution de leur myopie et de leur œil quand pourront arriver certains... problème justement de plus grave. Yves Boukobza. Alors, si vous voulez, c'est un point extrêmement important. Je délivre à tous mes patients un petit fascicule explicatif où je mets en première page myopie attention fragile. C'est-à-dire que cette fragilité rétinienne, donc exposition aux décollements de rétine, risque de cataracte plus précoce, de glaucome. Il faut bien dire à un myope qui se fait opérer qu'il ne sera plus myope sur le plan optique, c'est-à-dire qu'il verra normalement, mais qu'il restera myope sur le plan anatomique et qu'il devra se soumettre toute sa vie comme s'il n'avait pas été opéré à une surveillance annuelle ou tous les deux ans. Ça veut dire que l'œil, lui, pense qu'il est toujours myope, en fait. Et l'œil myope est un œil plus fragile qu'un œil hémétrope, et donc... il faut dépister tout ce qui peut se produire le long de la vie et prévenir donc un décollement de rétine en faisant du laser, mais un autre laser qui va consolider la rétine, en prenant la tension oculaire pour dépister un glaucome, en vieillissant pour surveiller l'apparition d'une cataracte. Donc l'œil reste fragile tout au long de la vie, même s'il voit bien sans lunettes. Damien Gatinel, quelle est la proportion aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de la proportion de la population des myopes qui peuvent être opérés par laser et donc retrouver une vision de loin? Alors, on élimine déjà de cette population les enfants et les mineurs. Et à partir de 18 ans, même si on est légalement opérable, il faut aussi savoir que la myopie va probablement continuer un peu à évoluer, en particulier chez les myopes qui sont déjà à 18-20 ans assez myopes, moyennement ou fortement. Si on se base sur nos chiffres qu'on a évalués à la Fondation Rothschild, on reçoit par exemple 100 patients qui vont être myopes, on en opère peut-être que 50 à 60. Alors bien sûr, dans les cas de non-opération, le refus peut venir du patient lui-même qui finalement décide de ne pas se faire opérer, mais je dirais que les contre-indications médicales ou les mauvaises indications que nous allons considérer comme des facteurs d'exclusion de la chirurgie réfractive représentent au moins, je dirais, 30 à 35% des demandes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une appréhension vis-à-vis de cette opération? C'est le premier facteur qui, en fait, dissuade les patients de bénéficier d'une chirurgie. Beaucoup de gens que l'on rencontre hors de nos cabinets, avec qui on discute de nos métiers respectifs, nous disent « Ah, vous faites de la chirurgie réfractive, c'est mon rêve, mais j'ai trop peur ». Et c'est ce frein probablement qu'il faudrait réussir à lever pour convaincre un peu plus de ces patients qui sont demandeurs, mais qui ont cette appréhension, parce que l'œil est un organe tellement précieux, la vision a un sens tellement important, que l'idée même qu'il existe un risque. Quel est ce risque, justement? Parce que je crois qu'on ne peut pas sortir de cette situation sans avoir une évaluation du risque. Si on consulte dans un cabinet ou un centre qui pratique aujourd'hui une médecine, en tout cas une approche tout à fait dans les règles de l'art, il est nul. On ne peut pas perdre la vision en subissant une chirurgie réfractive. C'est impossible, à moins de vraiment de le vouloir et encore. Même en le faisant exprès. En le faisant exprès, ce serait difficile. Bon. Oui, ça devrait être rassurant. Yves Boukobza, vous confirmez? Oui, tout à fait. C'est une chirurgie extrêmement sûre. Je dirais que le risque principal, c'est la sous-correction, c'est-à-dire qu'un myope opéré va rester encore un peu myope 3-4 mois après l'opération, mais il pourra bénéficier d'une retouche pour compléter ce que la première intervention n'a pas donné. Un chiffre intéressant pour répondre à votre précédente question, il y a 23 millions de myopes à peu près en France. Il y a à peu près 120 000 interventions laser par année. Donc ça reste quand même assez marginal vu la proportion de myopes. Et la cause est, comme vous l'a dit Damien, l'obstacle psychologique et l'aspect financier car ces opérations coûtent assez cher. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Notre débat d'aujourd'hui, allons-nous tous devenir myopes avec nos invités Yves Boukobza, chirurgien ophtalmologiste à Paris, Cécile Delcourt, épidémiologiste à l'INSERM, Damien Gatinel, chef de service à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et Muriel Valin, journaliste au magazine Science et Vie. Alors évidemment, la question que vous avez soulevée à l'instant, Yves Boukobza, celle du coût, puisque là vous avez bien spécifié les deux freins hein, qui sont la peur et le coût. Alors combien ça coûte une intervention de ce type ? Nous sommes obligés de donner une fourchette si vous voulez de prix ou un prix moyen. Le prix moyen pour un LASIK en France est de 3000 euros pour les deux yeux, en sachant que la sécurité sociale ne rembourse absolument rien et que de plus en plus de mutuelles maintenant garantissent un forfait par œil, si vous voulez. Ça peut être 400 euros par œil, plus pour de très bonnes mutuelles. Mais enfin, c'est dans ces ordres-là. Donc, ce coût est souvent dissuasif, surtout en période de crise comme aujourd'hui. Et beaucoup de patients donc remettent à plus tard cette opération pour une cause économique. Damien Gatinel, vous avez la même sensation ? Oui, tout à fait. Je retrouve les mêmes chiffres et les mêmes obstacles aussi financiers. Ça peut pas baisser enfin avec le temps. Alors évidemment ça paraît cher puisque c'est un budget assez quand on compare par exemple au salaire moyen ou à la médiane c'est beaucoup. Ou au prix des lunettes. Au prix des lunettes c'est déjà plus intéressant parce que l'optique n'est pas non plus très remboursée et elle coûte assez cher. Ce qui explique le prix de ces interventions est la technologie qui est mise en jeu. Parce que finalement, quand vous regardez les machines qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des machines qui pèsent une tonne, qui sont bourrées d'électronique, d'optique, parce qu'elles délivrent des effets physiques extrêmement précis. Et c'est toujours intéressant de se dire que, par exemple, une machine qui est, pour, si vous la voyez, l'équivalent en volume de 3-4 machines à laver, si vous voulez, a uniquement pour but de délivrer un spot de 1 mm et dont le profil énergétique doit être contrôlé vraiment de manière extrêmement précise. Donc toutes ces technologies ont un coût. Ça coûte combien une machine comme ça ? Ça coûte, sans l'entretien annuel, entre 500 000 et presque 1 million d'euros en fonction des plateformes. Donc c'est des techniques très onéreuses. Se rajoute à ce coût d'acquisition des consommables qui sont des instruments qu'on utilise pour chaque chirurgie. Et puis bien sûr, la responsabilité du chirurgien qui est quand même énorme, puisque l'enjeu, on a une obligation, si vous voulez, de moyens et presque de résultats dans ce domaine très particulier qu'est la chirurgie réfractive. Yves Boukobza. Et d'ailleurs, une étude intéressante pour revenir au coût a montré qu'un myope qui porte des lentilles de contact très régulièrement et des lunettes occasionnellement rembourse, paie son intervention en 3 ou 4 années d'usage de lunettes et de lentilles. Donc, si vous voulez, c'est pour la vie, donc il y a des calculs à faire et des réflexions à avoir. Alors, Muriel Valin, vous citez une autre technique dans votre dossier qui est plus surprenante, les lentilles de nuit, oui, peut-être moins connue. C'est moins connu, surtout en France. C'est effectivement une technique qui s'appelle l'orthokératologie, qui consiste à porter une lentille la nuit. Donc, avant de se coucher, on pose la lentille sur l'œil, on la garde toute la nuit. Et quand on se réveille le lendemain matin, en fait, l'œil est moins long, puisque la cornée a été remodelée. Et on se retrouve avec... donc, on voit très bien pendant à peu près 15 ou 20 heures. Et après, il faut reporter la lentille la nuit suivante pour pouvoir de nouveau avoir un aplatissement de la cornée. Donc, c'est une technique qui est assez répandue en Asie et dans certains pays d'Europe, par exemple aux Pays-Bas. En France, elle est tout juste en train d'émerger. Il y a quelques praticiens, mais il n'y en a pas énormément en France. Et elle nous a semblé très prometteuse. C'est-à-dire que encore plus que le laser, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, où on commence à faire des études dessus. Mais il semblerait qu'on obtienne des résultats, et que notamment pour les myopes, les enfants myopes qui ont des profils génétiques qui pourraient laisser penser qu'ils vont devenir fortement myopes, et ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec tous les risques visuels qu'on peut avoir en vieillissant. Pour ces enfants-là, s'ils portent la lentille donc très jeune, vers 6, 7, 8 ans, ça permet de freiner la progression de la myopie et donc éviter, a priori, qu'ils deviennent fortement myopes. Et effectivement, quand j'ai eu l'occasion d'interviewer un praticien en France qui a un petit peu de recul, puisque lui, il opère déjà depuis une bonne dizaine d'années, il constate qu'il a... Il intervient avec des patients depuis une dizaine d'années, et ses premiers patients qui avaient 6-7 ans ont aujourd'hui une vingtaine d'années ou une petite vingtaine d'années, et ne sont pas devenus fortement myopes alors qu'ils avaient vraiment le profil pour le devenir. Qu'en pensent nos deux ophtalmologistes? Écoutez, moi je pense que c'est une technique qui marche, c'est-à-dire que vous mettez la lentille la nuit, le lendemain vous n'êtes plus myope, c'est une certitude. En fait, ça revient à mettre les lentilles la nuit au lieu de les mettre dans la journée. Donc pour bénéficier la journée de la correction. Je pense que c'est éphémère, transitoire, et ça oblige à porter la lentille toutes les nuits. Bon, on sait que porter des lentilles la nuit, c'est pas très conseillé pour des raisons d'infection, etc. Mais je crois que ceux qui utilisent cette technique utilisent des lentilles parfaitement tolérées par l'œil. Très sincèrement, je pense que pourquoi pas. Mais je ne suis pas convaincu du réel succès de cette technique en France. Marielle Valin. Oui, alors effectivement, c'était pendant longtemps, il y a eu des arguments et des discussions autour des risques d'infection. Alors le protocole pour mettre ses lentilles est un peu compliqué. C'est pas simple, surtout sur un enfant de 6-7 ans, de lui poser une lentille sur l'œil et de vérifier que ça se fait sans effectivement impureté. Mais une fois que ce protocole est bien mis en place et qu'on respecte bien les conditions, il semblerait qu'il n'y ait pas plus de risques d'infection que des lentilles souples. Et pour l'anecdote, cette technique-là s'est développée au départ plutôt pour les adultes qui faisaient du sport et qui ne pouvaient pas facilement porter des lentilles ou des lunettes. Donc eux étaient intéressés par cette technique-là qui leur permettait d'avoir le port de lentilles uniquement la nuit. Et quand ils se réveillaient le matin, ils pouvaient pratiquer leur activité sans avoir de verre. Damien Gatinet. Oui, c'est une technique qui, en tout cas, ne fonctionne pas au-delà de myopie de 3-4 dioptries. Donc, c'est un effet relativement limité. Et le fait de devoir porter la nuit au contact de l'œil un corps étranger, malgré tout, et quand même si les études sont encore limitées, expose théoriquement un risque infectieux. Alors, si on montre que l'orthokératologie freine l'évolution de la myopie, ce qui pourrait être le cas, étant donné la déformation assez particulière qu'imprime la lentille sur la cornée, et qui pourrait, sans rentrer dans des détails, être par le jeu des rayons optiques qui traverseront l'œil ensuite, à travers cette forme remodelée, un frein un petit peu à l'évolution de la myopie, pourquoi pas. Mais ça reste une technique assez contraignante, et qui chez l'adulte est souvent, en dehors de certains cas, assez abandonné. Ensuite, puisque vous parliez des appréhensions vis-à-vis de la chirurgie réfractive, sans vouloir faire du tout l'apologie de la chirurgie bien entendu, mais quand on regarde les études publiées sur les risques concernant le port des lentilles, on observe que le taux de complications, en particulier infectieuses liées au port des lentilles, expose l'œil à plus de risques que la chirurgie réfractive. Mais bien évidemment, il y a plus de porteurs de lentilles que de gens opérés, donc il y a un biais. Néanmoins, autant aujourd'hui on peut affirmer qu'une chirurgie réfractive n'expose pas à un risque de cécité, autant le port de lentilles non pas réalisées de manière académique, hein, mais chez des patients qui vont négliger leur entretien ou dormir avec des lentilles, là je sors de l'orthokératologie, mais dormir avec des lentilles souples, parce que c'est pratique, parce qu'ils l'oublient, se baigner en piscine avec des lentilles souples, etc. Là, on prend plus de risques. Là, on prend plus de risques et il y a des risques sécitants. Cécile Delcourt, la suite de toutes ces études, quelle est-elle de votre côté? Est-ce que vous allez, à partir des résultats que vous avez obtenus, engager d'autres analyses ou, et puis aussi, quelles conséquences peuvent avoir vos travaux sur peut-être sur l'éducation, sur la façon de concevoir l'enseignement aujourd'hui? Oui, alors donc nous, en ce qui concerne notre consortium européen, donc on a un objectif de décliner ce type d'analyse, pas seulement pour la myopie, mais aussi pour les autres grandes maladies qui touchent nos populations, en particulier la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte, le glaucome. Donc tout ça, ce sont des travaux qui sont en cours, et également globalement essayer d'évaluer l'état visuel des Européens et son évolution avec le temps. Donc ça, ce sont les travaux, disons, de ce qu'on appelle nous de l'épidémiologie descriptive qui sont en cours, c'est-à-dire on essaie de décrire l'état de santé des populations et en l'occurrence l'état oculaire des populations européennes. Et puis après, nous avons aussi des travaux pour essayer de mieux décrire les facteurs qui sont à l'origine de ces évolutions. Alors en ce qui concerne la myopie, pour ce qui est vraiment de cette approche par notre consortium européen, nous n'allons pas forcément pouvoir aller beaucoup plus loin parce que justement, comme vous le notiez, donc c'est un regroupement d'une quinzaine d'études et toutes les études ne sont pas identiques, n'ont pas relevé les facteurs de risque de la même manière, et donc ce n'est pas forcément facile d'aller beaucoup plus loin dans ce contexte-là. Mais bien sûr, les recherches épidémiologiques continuent dans ce domaine, et je crois que vraiment ce qui va falloir clarifier, c'est les rôles respectifs du temps passé à l'extérieur et puis du temps de vision de près, et puis éventuellement un rôle pourquoi pas spécifique des écrans, notamment des tablettes numériques. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de données là-dessus. On pense que c'est plutôt le fait de regarder de près en général qui peut être à l'origine de la myopie, mais après tout, on n'a pas encore complètement déterminer les mécanismes sous-jacents à ces observations. Alors peut-être étant en train d'évoluer, comme Damien Gatinel l'expliquait tout à l'heure pour les animaux qui, au fil du temps, à force de regarder les choses de près parce qu'ils en ont besoin, finissent par ne plus voir bien de loin. Et on est à peu près dans cette situation, en fait. Oui, il faut rester prudent parce que les mécanismes évolutifs s'effectuent sur des échelles de temps supérieures à une évolution accélérée, apparemment. Mais c'est effectivement, si on est très déterministe, on peut se poser la question de savoir si le rapport à la vision, si vous voulez, enfin en tout cas, les besoins visuels de l'homme moderne ou de l'homme éduqué semblent aujourd'hui imposer de pouvoir lire et regarder des écrans, tous situés à une distance comprise entre 30 et 60 centimètres à peu près. Et on passe tous nos journées à regarder finalement beaucoup plus un environnement rapproché que lointain, comme du temps des fameux chasseurs-cueilleurs, où il était beaucoup plus important de pouvoir repérer sa proie et échapper à un danger aussi qu'on détectait de loin. Il y a beaucoup moins de guetteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de guetteurs. Mais l'évolution de l'œil humain, on a peu de données parce qu'on n'avait pas de mesures biométriques, c'est-à-dire les premiers instruments qui ont permis de mesurer avec précision les dimensions de l'œil humain ont à peine un siècle. Donc on ne sait pas vraiment... même si on peut le deviner, hein, quelle était la prévalence ou la géométrie, en tout cas, des yeux de nos aïeux. Mais moi, ce qui me surprend, c'est la rapidité de cette évolution. Et il est probable qu'on assiste probablement à la conjonction de facteurs prédisposants, peut-être génétiques, et d'une pression environnementale qui conduit à ce qui ressemble à une adaptation ou à une évolution, mais qui est simplement plutôt un mécanisme qui s'est un petit peu peut-être détraqué ou qui s'enraye, puisque la prévalence de la myopie forte, qui elle n'est pas forcément une aide vraiment à la vision de près, parce que là on devient vraiment même... Oui, on voit pas, même à une distance de lecture. Il faut vraiment mettre au bout de son nez les choses pour les voir. Alors, donc là c'est une adaptation trop excessive, on va dire. C'est une adaptation excessive, mais l'œil est un... très bon organe quand on s'intéresse un petit peu à la relation entre la structure et la fonction, puisque, encore une fois, dans le monde animal, il y a des variétés d'yeux assez incroyables. Il y a même des yeux qui sont à la fois myopes et qui voient bien de loin chez certains animaux. Ils voient myopes, ils sont myopes pour la vision, pour regarder vers le bas, pour pouvoir brouter ça. Et ils sont en même temps plus ou moins hémétropes pour la vision de loin, avec une géométrie de la rétine qui s'adapte à ça. C'est exactement ce qu'il nous faudrait. Donc. Mais pour l'instant, la seule solution, semble-t-il, c'est de passer plus de temps à l'extérieur et à regarder plus au loin que nous le faisons spontanément. Ça, on peut écouter la radio à l'extérieur, donc c'est et c'est la radio ne préjuge pas que l'on regarde à très courte distance, donc la radio n'est pas une contre-indication par rapport à ce problème de la myopie. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Yves Bocobza, Cécile Delcourt, Damien Gatinel et Muriel Valin d'y avoir participé. Vous pouvez approfondir notre sujet en lisant l'enquête de Muriel Valin et Coralie Hancock que le magazine Science et Vie vient tout juste de publier dans son numéro de juin. Je vous rappelle le titre, Tous myopes, les raisons d'une épidémie, les nouveaux traitements. Un numéro qui est déjà, Muriel Valin, en kiosque depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Sur notre site, vous pouvez aussi réécouter cette émission, comme toutes celles de Culture Science pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 29 mai, Science Publique s'inscrira dans la semaine de Culture Science consacrée à la préparation au bac Science. Comme l'an dernier, nous traiterons l'épreuve de physique-chimie. Je n'ai pas trop le temps de vous en dire plus. Science Publique, Dany Journeau, Jacques Hubert, Anaël Train à France Bleu Gironde, Marie Dalquier, Michel Albergantil.